Viens avec. Viens là. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Non, non, t'inquiète. Je te donne la main. Et Tim, tu fais douce. Oui. On t'attend, Tim. C'est chaud. Ouais, regarde. Tu peux te mettre ainsi la main. C'est chaud. Ouais. Alors, tu vas, si tu veux, tu peux enlever ça. Mais si je l'enlève, c'est vraiment courte. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a encore un peu les moustiques. Alors, regardez. Est-ce que vous arrivez à voir où sont les micros? Non. Non? On essaye de les voir, mais on les voit pas. Ah non, où est-ce que c'est ce micro? Ah, tu les as vus? Oui, là. Ça y est? Ah oui, là. Ah, où? Ah non, c'est un tronc d'arbre. Ça vu où tu es, toi-même? Là, c'est le petit point, bah, oui. Noir. Ah là. Et point noir. Alors, attendez, regarde. Je vais les récupérer. D'abord, je vais les récupérer. Regardez. Voilà. Où c'est que j'ai mis? Là-bas, j'ai mis un sac poubelle. Hein? Voilà, et on voit les câbles qui viennent là, et après les micros sont accrochés là-haut. Alors je vais les récupérer. Vous pouvez vous mettre assis sur le bout de bois là, s'il vous plaît. Papa, on n'a pas vu d'animaux. Papa, qu'après on pourra continuer l'aventure. Oui. La forêt. Ouais, mettez-vous assis sur le bout de bois là. Papa, c'est quand on va faire du surf de bois. Du quoi? Du surf de bois. On coupe un bois, il est en rond. Du surf de bois? Ouais, sur la neige. Ça s'appelle le temps. C'est une vidéo de... l'histoire des royaumes, j'ai vu ça. Allez, on arrête. On arrête quoi? L'enregistrement.